L'humanité perverse et ses travers. Oublier de marcher droit quand je préfère prendre les chemins de traverse. Oublier de regarder à gauche comme à droite avant de traverser quand il n'y a plus personne dans ce champ politique déserté. Oublier les luttes intestines du qui divise, qui rassemble, qui subdivise, qui fuit celui qui lui ressemble. Oublier les pensées castratrices de ceux qui savent, qui salivent aux devises réductrices de ces Cassandres, Castafiore, Casserolande devant leur miroir déteint depuis bien longtemps. Oublier l'homme et son nom futur, les tentatives de compréhension du passé, la quête de sens avec ou sans interdit. Oublier même que je crois que tout est dit. Démocratie, l'anarchie, la dictature, éclairée ou non, la révolution bolivarienne ou non, la république, cette année sombre de torture, mentale ou physique, ces prisonniers politiques, oubliez les coups de clairon des chefaillons, des despotes, des militaires, oubliez les bien rangés dans tous les bataillons, les engagés de toutes les guerres, oubliez les sentiers de la gloire, de ces vieilles carnes républicaines, en pestant la viande morte d'une jeunesse qui incarne la patrie et ses drapeaux de toutes sortes. Oubliez les contraintes, les contrastes et leurs contraires, les contrariétés des contrats signés à contre-cœur par des faux ou des confrères. Oubliez la liberté quand on agit bien que pieds et poings liés. Oubliez de plier les chines quand on a déjà le dos cassé. Oubliez de prier Dieu pour aller mieux. Oubliez de becquer des desserts lactés contre l'acidité de la vie. Je veux plus y être assidu, moi, à la vie. Donnez-moi la ciguë, faut que j'oublie. Je veux oublier. Sacrifices, mes sacrés coups de vis. Oubliez l'homme et son fils, la femme et son clitoris. Oubliez toutes ces rues aux odeurs de pisse. Oubliez l'honneur de Maurice comme les couleurs de Matisse. Oubliez les voleurs de Paris d'honneur de coups de canif. Oubliez les califes à la place du calife. Oubliez les canifs en lieu et place des manifs. Oubliez les spliffs pour oublier le spleen. Oubliez la green grass quand les poumons s'encrassent. Oubliez les passes des frangines jusqu'aux tasses. Oubliez les masques dans ce grand carnaval, ce carnage ovale quand ça tourne plus rond. Oubliez coucouche panier, papa t'en rond. J'suis pas des poissons, ni pour bouffer du ronron. Oublié de ronronner dans la ronde des cons. Oublié de m'abonner en première au balcon pour ne pas manquer une miette de ce piètre spectacle abscon. Absolu dégoût des couleurs de la vie. Quand on rit jusqu'au bout, dents fanées, fleurs au fusil, on jaunit jusqu'au dernier lit. On calise jusqu'à la lit, sali comme un slip qui passera pas la nuit. Annihilé, anéanti, sur l'îlot de l'ennui. Oublié qu'on crève en huis clos, en plein air, yeux mi-clos ou bien grands ouverts. Donnez-moi la ciguë, je vous prie, pour que le spectacle continue dans la pièce contiguë. La ciguë. Je trempe mon stylo dans cette ciguë, assidûment. Convaincu que mes parents m'ont trompé sur la cigogne. Ou l'inverse. La vie est une poupée russe ou bien gigogne. J'ai plus dans la mienne. Y a jamais eu assez de place pour gigoter. Alors on m'a ligoté, puis coupé un gigot. Mais voilà, unijambiste, crucifié sur ces mots de lampiste. Cruciverbiste du hasard. Je m'en viens croiser le verbe avec Balthazar. Roi bâtard, croisement de verges, cramoisi braquemar. La verve en berne, voilà mon étendard. La guigne en drapeau sans vergogne. Ambigu, ambigu, repassez-moi donc la ciguë. Que je n'oublie pas de vous cracher mes dernières vérités. Mes dernières volontés, vous oubliez de vous besogner mes rimes de taré. Et moi, j'oublierai peut-être que je suis déjà mort et enterré. Cutéreux que je suis, la cafetière en tartrée. À bâbord, la bonbonnière est prête à déborder. À tribord, la coupe est pleine, ma tête prête à exploser. Alors, je fais une embardée au pays des barbies, des barbus. Paumé comme un barde au pays des barbares. Voir comme ce cocu coco au paradis. Hallucinant devant cette parade des capitaux aigris. Malgré les prévisions de ciel gris, l'avenir est radieux, ma chérie. Garanti par des taux à 100%. Juste le temps de s'irradier, juste le temps de s'endetter pour 30 ans. Juste le temps d'avoir la tronche dans un étau serré jusqu'au sang. Et le cœur garni de gras, de gouaine à couper au couteau. La faute à qui? Pas au commandant Cousteau, non. Y'a plus de capitaine à bord du bateau ivre. Et pas plus de paix que de havre qui vit avant que l'humanité ait terminé son œuvre. Faut que j'oublie la ciguë, je vous prie. La ciguë, je vous prie. See?